saluons toute l'Église dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nasalimia kanisa mzima mujina ya Bwana Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous saluons aussi tous nos bien-aimés qui sont reliés à nous à l'internet. Tunasalimia pia bapendo betu wenye kuungana nasi kunjia mtandao. Que Dieu les bénisse aussi richement. Mungu ababariki sana. C'est vraiment, nous sommes dans la joie. Kweli tuko katika furaha. Et souffle de vie que le Seigneur nous accorde chaque jour. Ya pumzi ya buzima ile Bwana Mungu anatupatia kila siku. Sans tarder, nous allons nous mettre debout. Bila ugawia tutasimama bwima. Nous allons lire notre écriture habituelle de 2 Rois chapitre 6. Tutasoma andiko yetu ya ima siku yote ya Wafalme wa pili sura ya 6. Nous commencerons au verset 12. Tutanzia msari ya 12. Nous lisons. Tukunasoma. L'un de ses serviteurs répondit, Mumoja wa watumishi akajibu, personne au roi mon seigneur mais Élisée le prophète qui est en Israël. Hakuna mtu o mfalme bwana lakini Elisha nabii mwenye kupatikana mu Israeli. Rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Yenjwe kuna muonesha mfalme wa Israeli maneno yote leo kuna sema mchumba yako kulala. Na mfalme akasema, allez voyez où il est et je le ferai prendre. Mwendeni mukajue fazi anapatikana na mimi tamubambisha. On vint lui dire voici il est à Dothan. Baka kwa kumwambia tazama anapatikana kule ku Dothan. Il envoya des chevaux de chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Akatuma bampunda magari na kundi munene ya jesi ile rifika usiku na kuzunguka muji. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sorti. Mutumishi wa mtu wa Mungu akalamuka asubuhi mapema na kutoka. Et voici une troupe entourait la ville. Tazama kundi ya jesi ilizunguka muji. Avec des chevaux et des chars. Na mapunda pamoja na magari. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu. Na ule mutumishi akamwambia mtu wa Mungu. Ah mon Seigneur, que ferons-nous? Ah bwana wangu sasa hapa tutafanya nini? Il répondit ne crains point car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Akamujibu usiogope kitu kwani wale tuku nabo ni ba mingi kushindia bale beko pale nje. Élisée pria et dit. Elisha kaomba na kusema. Éternel, wa milele, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Mufungule macho ili apate kuona. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Na wa milele akafungula macho ya mtumishi. Qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Ula aliona mulima mzima yenye kuyala na mapunda na magari ya moto yenye kumuzunguka Elisha. Inclinons nos têtes. Tuinamishe bichwa vyetu. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te disons merci. Bwana wetu na Mungu wetu tunasema asanti. Qu'est-ce que nous pouvons Seigneur sans toi? Ni nini le tunawezi bila wewe Bwana? Tu as dit, ulisema, sans moi vous ne pouvez rien faire. Bila mimi hamutaweza kitu. C'est pourquoi nous t'appelons Seigneur de venir au milieu de nous. Jukomana tunakuita Bwana ukuje katikati yetu. De nous aider dans ce grand rassemblement qui a ici ce soir. Na utusaidie muhimu kusaniko mkubwa ya hii magharibi. Regarde Seigneur Dieu bien-aimé quelle responsabilité nous avons. Angalia Bwana mabuzito gani tuko nayo. Ces centaines d'âmes qui sont ici Seigneur. Ima nafsi yenye kuwa hapa Bwana. Auquel nous allons parler de ta parole. Inye tutawambia neno lako. Que le Saint-Esprit soit présent au milieu de nous. Roho Mtakatifu apate kuwa katikati yetu. Depuis le début jusqu'à la fin. Tangia mwanzo na mwisho. Nous savons que tout ce que nous pouvons faire sans toi est une œuvre inutile. Tunajua semele yote tutafanya bila wewe ni kazi ya bure. Commence avec nous ce travail. Wanze nasi mwi kazi. Et termine avec nous. Na umalize nasi. Nous nous remettons entre tes mains. Tunariachira mikono yako. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mujina bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amina. Hier, nous nous sommes arrêtés sur le prophète Daniel. Jana tulisimamia panabi na Danieli. C'est par là que nous allons entrer pour parler aujourd'hui. Nanjo pale tutanzia juu ya kusema leo. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Bwana Mungu apate kumibariki. Lisons Daniel chapitre 6. Tusome mu Danieli sura yake ya 6. Commençons au verset 4. Tuanzie mstari ya 4. Jusqu'à 5. Kufika na 5. Et nous allons lire les versets 9 jusqu'à 14. Tutasoma tena mstari ya 9 kufika na 14. Nous lisons. Tukunasoma. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Basi bakubwa na bale wa satrapes bakatafuta namna kani ya kumstaki Danieli. Wenye kuelekea maneno ya ufalme. Mais il ne put trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre. Alakini hawakupata mubati wala kitu hata kimoja cha kumkemea. Parce qu'il était fidèle. Kwani yeye alikuwa mwaminifu. Et qu'on a persévé chez lui ni faute ni rien de mauvais. Na kwake akukue wala kosa wala kitu kibaya. Et ces hommes disent, na wa watu wakasema, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel. Atutapata bati hata moya ya kumustaki huyu Daniel. À moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Isipokuwa tupate motu moya musheria ya Mungu wake. Que Dieu bénisse la parole du Seigneur. Bwana Mungu abariki neno la Bwana. Quand nous lisons ces choses, wakati tukunasoma maneno haya, quelquefois étant seul dans la chambre, sa zingine kwa tu peke yake mchumba, vraiment nous sommes dépaysés. Kweli kweli tunafadhaika. De ce qu'il y a eu un homme, kwa ile kulikuwa mtu moja, qui vivait sans reproche, ule alikuwa naishi bila makemeo. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Ces gens qui parlent ici, ababa tubeko nasema hapa, ce sont les gens qui l'ont observé. Ni batu bale bali mwangalishisha. Dans les affaires du royaume. Mu mambo ya ufalme. Il n'avait pas de reproche. Asikuwa na kitu ya kumkemea. On essayait de rôder autour de sa vie. Bale pima kuzunguka kando kando ya maisha yake. On n'avait rien trouvé. Aba kupate mokosa. Et j'ai pensé, nalikuwa na waza, si juste seulement l'église de Kambove ici, kama tu paka hii kanisa tu ya Kambove hii, pero de autour de ma vie, ils trouveront beaucoup de choses à me reprocher. Ikipima kuzunguka kando kando ya maisha yangu, batapata bitu mingi ya kunikemea. Mais à cet homme de Dieu, alakini kwa huyu mtu wa Mungu, ils ont dit non. Balisema apana. Nous avons cherché, tulitafutisha, dans les affaires du royaume, mambo ya ufalme. C'est un homme fidèle. Ni mutu mwaminifu. Dans le travail qu'il fait. Mkazi ile konafanya. C'est un homme fidèle. Ni mutu mwaminifu. Si nous voulons trouver une occasion d'accuser cette personne. Kama tunawezi kupata kubati ya kustaki huyu mutu. Il faut pénétrer dans la loi de son Dieu. Inapashi tuingie musheria ya Mungu wake. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Alors ils ont fait quelque chose. Basi bari tunga mapu. Ils ont fait un complot. Bari sikilizana. Ils ont dit. Bali sema. Faisons une chose. Tufanye kukitu kimoya. Nous allons dire au roi. Tutamwambia mufalme. Il savait que Daniel. Alijua kwamba Danieli. Il était un Israélite. Alikuwa ni mtoto wa Israeli. Il savait que balijua kwamba c'est Daniel ici. Huyu Daniel huyu avec son Dieu. Na Mungu wake, il ne voudra pas adorer un autre Dieu. Aste tika kuabudu Mungu mwingine. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Ils sont allés voir le roi. Na balienda kumuona mfalme. Ils ont dit. Bakasema. Nous tous. Shibote. C'est comme si lui aussi était là-bas. Inakuwa sawa na mfalme na yeye alikuwa mule. Nous nous sommes entendus. Tunesha sikilizana. Que tous. Ya kwamba shibote. Nous prierons seulement. Tutaomba tu. En ton nom. Paka mujina lako we mfalme. Maintenant, roi, sasa mufalme, écris un décret, wandike sheria, signe cela, upate kutia saini, pour que ça soit irrévocable. Juu hakuna mutu wa kuipinganisha. Le roi ne connaissant pas, mufalme asikujue, il a vu seulement une chose meilleure. Alakini aliona tu kitu kizuri bana mletea. Alors que avait un objectif là-dedans. Japo boba alikuwa na kifuguzio mwile mambo. Quand il a signé, wakati alitia saini, c'était terminé. Ilimalizika basi. Et Daniel, na Danieli, a compris ce qu'il faisait. Arielewa ile alikuwa anafanya. Lui aussi, naye, s'est retiré dans sa chambre. Arilikokota mchumba yake. Il est allé monter dans la chambre haute. Aripanda mchumba ya juu. Là, la fenêtre était ouverte en direction de Jérusalem. Mule dirisha alikuwa wazi yenye kuangalia kungambo ya Yerusalemu. Et il y a beaucoup de choses. Kukubitu mingi. Si nous pouvons parler. Kama tunaweza kubisema. Ce qui concerne yenye, Jérusalem. Yenye kuelekea Yerusalemu. Ce n'est pas pour rien. Haina kwa bure. Que cette fenêtre-là ile dirisha ile était ouverte en direction de Jérusalem. Ilifunguka ngambo ya kuangalia Jérusalem. Ku Yerusalem. Salomon en construisant la maison. Salomon mkuyenga nyumba ekamu. Il avait fait une prière. Ariombaka maombi. Et cette prière-là. Na ile maombi ile. Où que ce soit que se trouvait chaque Israélite. Fazi yote kule kutapatikana mtoto wa Israeli. Si il pouvait seulement se mettre à genoux. Kama anawezi tu kutwanga magoti. Et prier. Na kuomba. Sa face tournée vers la ville de Jérusalem. Uso yake yenye kuangalia ku Yerusalem. Il y a des choses que le roi Salomon kukubitu bile mfalme Salomon avait dit à Dieu. Alimwambiaka Mungu. Et que Dieu avait accepté. Na Mungu naye alikubali. Cet homme de Dieu. Huyu mtu wa Mungu. Se mettait, il priait trois fois par jour, chaque jour. Alikuwa naomba mara tatu kusiku, kila siku. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Il louait Dieu. Alikuwa anamsifu Mungu. Et priait Dieu. Na kuomba Mungu. Maintenant, quand cette chose a eu lieu. Wakati mambo ilifanika. Il est allé prier. Alienda kuomba. Là en lui là. Ndani yake mule. Il savait que. Alijua ya kwamba. Quand nos pères sortaient du pays d'Égypte. Wakati bababu zetu balitoka mwinchi ya Misri. Et qu'ils partaient vers le pays promis. Na walikuwa naenda mwinchi ya Malako. Ils sont arrivés à la mer Rouge. Walifika bahari mwekundu. Et là, na kule, c'est Dieu qui les avait conduits là-bas. Ni Mungu ndiye aliwapeleka kule. De part et d'autre. Ngambo wengine moya na ingine. Il y avait des montagnes. Kulikuwa milima. Devant eux, mbele yabo, il y avait la mer Rouge. Kulikuwa bahari mwekundu. Et derrière eux, na nyuma yabo, il y avait l'armée de Pharaon. Kulikuwa jeshi ya Faraoni. Maintenant, ils se sont trouvés là-bas. Sasa balipatikana katikati. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et l'armée qui venait, na jeshi ile ilikuwa nakuya, était bien armée jusqu'aux dents. Ilikuwa na masila ya mingi kabisa. Et alors, ils se sont mis à pleurer. Sasa wakaanza kulia. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Quand ils voyageaient, wakati walikuwa na safiri, ils avaient quelque chose qui les conduisait. Walikuwa na kitu kilikuwa nabaongoza. C'était la colonne de feu. Ilikuwa ni nguzo la moto. La colonne de feu était devant eux. Nguzo la moto ilikuwa mbele yabo. Et suivait. Na boba walikuwa nafuata. Pour qu'ils puissent marcher jour et nuit. Juu wapate kutembea usiku na mchana. Très bien éclairé. Na benye kuangaziwa mzuri. Pendant les jours, mchana, c'était une nuit. Ilikuwa ni wingu. Et pendant la nuit, na usiku, c'était une colonne de feu pour les éclairer. Et Dieu marchait avec eux comme na ça. Mungu alikuwa anatembea nabo mwile namna. Maintenant Daniel, sasa Danieli, quand il a compris, wakati alielewa, qu'il y a un complot qui est monté quelque part, ya kwamba wananitungia mapumbaya, il est allé prier. Alienda kuomba. Comme il le faisait. Paka vile alikuwa anaifanya. Et là dans son cœur. Na mule ndani ya moyo wake. Il s'est rappelé de ce que Dieu avait dit. Akakumbuka ile Mungu alisema. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Il avait dit. Alisemaka. Ces Égyptiens que vous voyez. Ababa Misri muku naona. Vous ne les verrez plus jamais. Amutakabaonaka tena kamwe. Et Dieu, na Mungu, quand il a vu que Pharaon approchait, wakati aliona kwamba Pharaon alikuwa anakaribia, il a quitté devant, alitoka kumbele yao, et il est rentré derrière, akarudia nyuma sasa et s'est interposé au milieu, akasimama katikati, entre le camp de l'ennemi, katikati ya kampi ya baadui, et le camp d'Israël, na kampi ya watoto ya Israeli. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Cet homme de Dieu, huyu mtu wa Mungu, a compris, alielewa, qu'un lion ya kwamba n'a peur que du feu. Ah, siwezi kuogopa kitu. Parce que le feu le brille. Ah, simba wezi kuogopa moto. Maintenant, comme Dieu marchait dans la colonne de feu, vile Mungu alikuwa anatembea munguzo la moto, c'est lui Dieu qui viendra trancher les problèmes dans la fosse au lion. Niye Mungu atakuwa kukata mambo mushimo ya simba. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Il ne le voyait pas. Asikuwa unamuona. Mele ya moi il le croyait. Hata vile alimuamini. Il a prié. Aliomba. Et il était tranquille. Naribakia tumusalama. C'est ce que je dis. Njokile nalisema. Que lorsqu'une personne a la vision du Dieu invisible. Wakati mtu yuko na kuona kwa Mungu asipoonekana. Il y a quelque chose qui stabilise son esprit. Huku kitu kile kitatuliza roho yake. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Il y a quelque chose qui tranquillise son cœur. Huku kitu kitatuliza moyo wake. Et Daniel était tranquille. Na Daniel alikuwa mwenye kutulizana. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Quand ces gens ont vérifié, ils ont vu que le roi ici tente de libérer Daniel. Wakati hapa watu walichunguza na kuona sema huyu mfalme anapenda kumwacha huyu. Le roi n'avait pas délibéré rapidement. Mfalme asikuchukue mipango kwa haraka hapana. Non. Hapana. Il savait l'importance de Daniel. Alijua mafao ya Danieli. Chaque chrétien. Kila mukristo. Même les gens du dehors connaissent que cet homme est un chrétien. Hata watu ya nje wanajua sema huyu mtu ni mukristo. Même les gens du dehors. Hata watu ya nje. Ont besoin de chrétiens. Banahitaji ba Kristo. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Alors le roi. Basi mfalme. A souffert. Ariteseka. Comment je peux libérer cette personne? Namuna kanimita mwachiria huyu mtu. Mais ils sont venus lui ont dit. Alakini barikuja na kumwambia. La loi de Medes et de Perse. Sheria ya Medes na Perse. Exige que. Inalazimisha ya kwamba. Lorsqu'une défense est approuvée par le roi et signée. Wakati sheria banesha kuhakikisha kwa mfalme. Hakuna namna kuikatala. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et le roi a décidé. Na mfalme alichukua mpango. Que Daniel était sans. Ya kwamba Daniel bamutupe mushimo ya simba. On l'a appelé. Bali muita. S'il était ici. Kama angekuwa hapa. Avec ce témoignage. Na hii ushuda. Peut-être. Sa zingine. Devions faire couler des larmes. Tungelia. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Parce que. Kwani. Lorsque vous verrez. Wakati mtaona. Que l'ancien José. Ya kwamba mzee José huyu. Est condamné à mort. Bana mhukumu kumuua. En tout cas. Na wazia. Ça sera une chose compliquée. Itakuwa kitu kia nguvu. Nous allons pleurer. Tutalia. Une personne telle que moi ici. Mutu sawa mia apa. Je suis comme une femme. Niku sawa mwanamuke. Je ne tarde pas à faire couler de là. Sigawi yake kufuisha machozi. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et Daniel est arrivé. Na Daniel arifika. Bonema. Na upole yote. Et on l'a jeté dans la fosse au lion. Na bali mutupa mushimo ya simba. Frère Branham explique une chose. Duku Branham anafasilia kitu kimoja. Il est un prophète. Yeye ni nabii. Dieu ne fait rien. Mungu afanyake kitu. Sans révéler son secret à ses serviteurs. Bila kufunulia siri yake kwa watumishi yake manabii. Mungu amibariki. Il dit. Anasema. Les lions. Simba. N'ont peur que du feu. Anongopaka paka moto. Et pendant que Daniel tombait. Wakati le Daniel alikuwa anaanguka. La colonne de feu est descendue. Nguzo la moto nayo ilishuka. Et s'est mis entre Daniel. Na ikekala katikati ya Danieli. Et le lion. Na simba. Et quand les lions virent la flamme du feu. Wakati wa simba waliona ile nguzo ya moto. ont reculé. Wakarudi nyuma. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Ils ont reculé. Wasimba walirudi nyuma. Frère Branham dit. Ndugu Branham yuko nasema. Ils n'ont pas rugi. Hawakungurume. Mais ils ont miaulé. Alakini bari lalamika sawa bapusi. Ah. Et se sont assis. Na bakekala chini. Et Daniel est tombé là-bas. Na Daniel arianguka mule mshimo wa moto. Il a tourné le regard vers les lions. Akageuza macho kuangalia basimba. Et les lions l'ont regardé. Na basimba nabo bakamwangalia. C'était le millénaire pour eux. Ilikuwa ni utawala wa miaka 1000. Parce qu'il a dans les millénaires. Bani mule mutawala wa miaka 1000. Et les lions. Na simba. Hello. Na mutu. Et l'antilope. Na. Et les serpents. Nyama na nyoka. Tous nous serons ensemble. Shibote tutekana fazi moya. Et Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Daniel a goûté les millénaires. Daniel arionja utawala. Et là dehors, inje, le roi a beaucoup souffert. Mufalme aritese kasana. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Il a dit. Alisema. Qu'aucune femme ne vienne à mes côtés. Kusikwata mwanamke mwao kunikaribia. Je ne veux pas voir un garde ici. Sipende kuona mchungaji hapa. Je ne veux pas voir la nourriture devant moi. Siwezi kuona chakula mbele yangu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. En d'autres termes. Una mna ingine akusema. Il voulait gêner pour Daniel. Alipenda funge chakula maombi juu ya Daniel. Parce qu'il avait perdu la personne essentielle Wani, dans son royaume. Alipoteza mtu wa mafao mufalme yake. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Oh mes bien-aimés. Oh mpendwa. Si nous pouvions vivre une vie chrétienne. Kama tungeishi maisha ya Kikristo. Cela trouverait la solution dans beaucoup de choses. Ingeleta majibu mu mambo mengi. La vie chrétienne. Maisha ya Kikristo. N'est pas une vie cachée. Haina maisha ya kuficha pana. C'est une vie qui est visible. À ni maisha ya kuonekana mbele ya watu bote. On travaille. Kukazi. Tout le monde verra ça. Watu bote bataiona. Même si vous êtes dans les bus. Hata kama huku mugari. Les gens verront que nous avons voyage avec un chrétien. Watu bataona kwamba tuko na safari na Mkristo. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Le matin. Asubuhi. À l'aube. Kwa asubuhi mapema. Le roi n'avait pas dormi. Mfalme asikulale hapana. Lisez très bien la Bible. Musome mzuri Biblia. Il n'avait pas fermé l'œil. Asikufunge licho. Aucune femme ne pouvait venir. Hakuna hata mwanamke mwari mkaribia. Il n'avait même pas mangé. Asikula takula. Il a traversé la nuit à jeun. Alipitisha usiku mzima wa mafungo. Et le matin. Na asubuhi. Le voilà qui se lève. Yeule anamka. Et qui est allé. Na alienda. À la fosse au lion. Kule kushimwa basimba. Il a crié. Na alilalamika. Je ne vois triste. Na sauti ya uzuni. Daniel, serviteur de Dieu vivant. Danieli mtumishi wa Mungu aliye hai. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Le roi n'était pas un croyant. Mufalme sikuwa mwaminifu. Mais il connaissait que le Daniel ici. Alakini alijua sema huyu Daniel. C'est un serviteur de Dieu. Ni mtumishi wa Mungu aliye hai. Daniel, serviteur de Dieu. Danieli mtumishi wa Mungu aliye hai. Ton Dieu. Mungu wako. Que tu sais. Ule unatumikia. Avec intégrité du cœur. Na unyofu wa moyo. T'a-t-il gardé? Eti anakuchunga. Il a entendu la voix. Alisikia sauti. Qui a répondu? Ile rimujibu. O roi, vie éternellement. O mfalme uishi milele. Mon Dieu m'a gardé. Mungu wangu alinichunga. Les lions n'ont rien fait. Basimba bakunifanye kitu. Le roi était très content. Mufalme alifurahi sana. Il a dit. Alisema. Venez rapidement. Mukuye kwa haraka. Je voudrais le voir. Mina penda nimuone. Et Daniel est sorti. Na Daniel alitoka amo. Et il a dit. Na alisema. Regardez maintenant. Rasa muangalieni. Tous ceux qui l'ont accusé. Bale bote bamustaki. J'aime les voir. Mina penda nibaone. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Ils viennent ici. Nabo bakuya hapa. Ils sont venus. Nabo barikuja. J'aime voir leurs épouses. Mina penda kuna babibi yabo. On a amené leurs épouses. Barileta na babibi yabo. Amenez même leur famille. Mulete na majama yabo. Même leurs enfants qu'ils soient ici. Na batoto yabo bote bakuya hapa. Tout ça. Iyote. À cause de la vie d'un seul chrétien. Kwa ajili ya maisha ya Mkristo moja. D'un seul homme de Dieu. Kwa ajili ya mtu moja mtu wa Mungu. Mungu amibariki. Alisema na mwe mshuke sasa mbele. Musome ile inafuata. La Bible dit. Biblia inasema. Il n'avait même pas touché le fond. Barukwa ba ya barukwa ba yafika hata chini. Quel lion le déchirait. Basimba balibararua. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et qu'a dit le roi? Sasa mfalme alisema nini? Il a dit ceci. Alisema hivi. Allons verset 25. Plutôt 21 à 25. Makumbi na moja kufika makumbi na tano. Nous lisons. Tukunasoma. Et Daniel dit au roi, na Daniel akamwambia mfalme, roi vit éternellement. Oh, mfalme wishi milele. Mon Dieu a envoyé son ange. Mungu wangu alituma malaika wake. Et a fermé la gueule de lion. Na alifunga binywa ya simba. Qui ne m'ont fait aucun mal. Abakunifanya kambaya. Parce que j'ai été trouvé innocent. Kwani nilipatikana wasipokosa. Devant lui. Mbele yake Mungu. Lui qui? Yeye ule nani? Lui Dieu. Yeye Mungu. Amen. Amina. Quand on est chrétien, wakati uko mkristo, Dieu voit. Mungu yuko naona. Si on est intègre, kama uko kunyoloka, Dieu voit. Mungu tena yuko naiona. Quand on a la foi, kama kuna imani, Dieu voit. Mungu tena naiona. Et devant toi, na mbele yako weye, non plus au roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux. Et il ordonna qu'on sortît Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. Sautons ça et allons de l'avant. 25. Et après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute l'âme qui habitent sur la surface de la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, katika ufalme yangu yote mzima, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Bapate kogopa Mungu wa Danieli. Car il est le Dieu vivant. Wani yeye ni Mungu mzima. Et il subsiste éternellement. Na ekona dumu milele. Son royaume ne sera jamais détruit. Ufalme yake hayezi kamwe kuharibika. Et sa domination durera jusqu'à la fin. Na utawalo yake itadumu hadi mwisho. C'est lui qui délivre. Yenje kona komboa. Et qui sort. Na kuokola. Qui opère des signes. Et on attende maajabu. Et des prodiges. Na maishara. Dans les cieux et sur la terre. Mumbingu na padunia. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Yenje alikombola Daniel toka uwezo wa simba. 28. Na 28. Daniel prospéra sous les règnes de Darius. Na Daniel aristawi mutawala Darius. Et sous les règnes de Cyrus le Perse. Na chini ya utawala tena ya Cyrus ule wa Mperse. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. La foi, imani, c'est notre victoire. Jo ushindi yetu. Quand nous perdons la foi, wakati la tuna na imani, nous perdons beaucoup de choses. Manake tunapoteza vitu mingi. Voyez, munaona, la foi, imani, c'est notre protection. Jo kingo yetu. La foi, imani, c'est tout dont nous avons besoin. Jo biote bile tunahitaji. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Daniel, Danieli, n'est pas allé en justice avec eux. Asikwende mukisambo nabo apana. N'a pas cherché des avocats. Asikutafute ba avocat apana. Il était seulement flexible. Alikuwa tu munyenyekevu. Descendez dans la foi. Ushuka mushimo. Il a accepté. Alitikia. Le Dieu lui-même. Mungu yeye mwenyewe. S'est occupé de lui. Alimwangaikia. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Le Dieu de Daniel. Mungu wa Danieli. C'est celui en qui vous avez crié. Jo mwenyewe ule muriamini mwebote hapa. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et ensuite. Nakisha. C'est Dieu ici. Uyu Mungu uyu. N'a pas arrêté avec Daniel. Asikusimame na Danieli hapana. On a encore. Tukutena. Fixé les regards. Tuangu kuangalia macho. Ces trois enfants hébreux. Yule ya ba Hebrani ya batatu. C'était Shadrach, Meshach, Abednego. Alikuwa Shadrach, Meshach na Abednego. Vous aussi. Na mwe pia. Soyez prêts. Mwe tayari. Quand vous entendrez. Wakati mutasikia. La trompette. Parapanda. Son de cornemuse. Inalia. Et autre chose. Na binginepo. Et tous les instruments de musique. Na vyombo vyote vya mimbo. Vous viendrez. Mutakuja. Fléchir vos genoux. Utuanga magoti yenu. Devant la statue. Mbele ya sanamu. Qui a été érigée. Ile barijenga. Si vous ne le faites pas. Kama mufanye vile. Vous serez jeté. Batamitupa. Dans la fournaise ardente. Mu. Tanuru ya moto. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous n'avons pas la victoire, nous. Atunana ushindi sisi hapana. Notre victoire, c'est Dieu lui-même. Ushindi yetu ni Mungu yeye mwenyewe. Daniel. Danieli a fixé seulement le regard. Alitupa macho yake tu. Sur le Dieu d'Israël. Yule ya Mungu wa Israeli. Il a vu. Aliona ce qu'il avait opéré. Il a ritendaka. Pendant que les enfants d'Israël voyageaient. Wakati le watoto wa Israel kana safari. Il était dans la colonne de feu. Alikuwa ndani ya nguzo ya moto. Il l'a observé. Alimuangalishisha. Il a crié. Naye aliamini. Et il a dit. Na alisema. Je m'arrête là-bas. Nasimamia pale. Le péché. Zambi. Je n'ai pas le péché. Sina la zambi. Le péché. Zambi. C'est un obstacle. Ni kizuizo. Le péché. Zambi. C'est un mur qu'on s'est construit. Ni ukuta ile unajijengea. Pour que Dieu n'entre pas en saint. Comme Daniel, sawa Daniel avait une vie sainte. Alikuwa na maisha takatifu. Il n'avait pas peur. Asikuwe na boka. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Malgré la terreur. Ata vile kulikuwa boka. Malgré la famine des lions. Ata vile kulikuwa njala ya basimba. Tout ça, ça n'entrait pas en compte pour lui. Ile yote haikumwangaisha. Il avait le regard fixé. Macho yake yalikuwa yanaangalia. Sur le Dieu d'Israël. Yule ya Mungu wa Israeli. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Le Dieu d'Israël. Mungu wa Israeli. C'est celui en qui nous avons cru. Ndio ule sisi tuliamini. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Vous verrez, mutaona, que Pilate, ya kwamba Pilate, a écrit, aliandika, au-dessus de la croix de notre Seigneur Jésus, yulu ya musalaba bwana wetu Yesu Kristo, Jésus-Christ, Yesu Kristo, roi des Juifs, mufalme wa Yuda, et ils ont dit, na walisema, non, n'écris pas comme cela, apana, ushandike vile, dite il a dit, useme ya kwamba yenjo alisema, il était le roi des Juifs, ya kwamba yenjo alisema saa alikuwa mufalme wa Yuda, alisema, c'est que j'ai écrit, ile mine ishandika, je l'ai déjà écrit, mesha yandika, cela reste, inabakia paka vile, que Dieu vous bénisse, Mungu amibariki, maintenant regardez, sasa tazamei, pour eux, kwa bobo, partout où ils étaient. Fazi yote balikuwa. Même Jonas dans le ventre du gros poisson. Ata Yona ndani ya tumbo ya samaki munene. Il a fixé le regard. Alitupa macho yake. Toujours sur l'invisible. Paka yule abito asipaonekana. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Là dans le ventre du gros poisson. Mune mutumbo ya samaki munene. Et la nourriture que le poisson avait mangé. Na chakula ile samaki alikula. Il a se mettre à genoux. Aliweza kutanga magoti na kuomba. Tout son être dirigé. Nabumutu wake bote mwenye kuelekea. Le temple que Salomon avait construit à Jérusalem. Yenye kuelekea kwa kanu ile Salomon aliyenye kuelekea Jerusalem. Et la prière que Salomon avait fait à Dieu. Na maombi ile Salomon alimomba Mungu, alisema que cette prière ya kwamba hii maombi reste éternellement dans ta présence. Ya milele muwepo wako. Partout ils seront. Fazi yote watakuwa. S'ils peuvent fléchir leurs genoux. Kama wanawezi kutwanga magoti yabo. Les regards tournés vers cette maison que je t'ai bâti. Na macho yako yabo akuangalia nyumba ya Mungu. Leur prière. Toka mbingu ukubali maombi yabo. Ils avaient cette révélation. Barikuwa na ile ufunuo ndani yabo. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Lui aussi. Naye pia. Dans le ventre du gros mutumbo ya samaki mnene. Il a fléchi les genoux. Alitwanga magoti. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Le message que nous avons. Ujumbe tukunayo. C'est regardant sur l'invisible. Ni wangalia kubito yasipoonekana. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Dieu, Mungu. Nous ne le voyons pas bien sûr. Atumuone hakika. Mais il existe. Alakini ekwako. S'il a sauvé Daniel. Kama alimokola Daniel. S'il a sauvé Shadrach, Meshach, Abednego. Kama aliokola Shadrach, Meshach, Abednego. Ata na mweye. Nous croyons qu'il n'y en a pas deux, trois. Tunaamini asema bana wawili wala batatu. Dieu est peke yake Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. C'est celui à qui nous avons cru. Jo ule sisi tuliamini. C'est le Dieu là. Ni ule Mungu ule. Qui a séché la mer rouge? Ulari kausha mbari mwekundu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Sisi yanki nukuruwayo. Jo ule tunamini. Ensuite. Nakisha. Nous allons toucher un peu la vie d'une personne dans la Bible. Tutagusa maisha ya mutu mwoya mu Biblia. Dieu. Mungu. N'abandonnera jamais. Asta chaka kamwe. Son fils. Mwana wake. Sa fille. Binti wake. Jamais. Kamwe. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Regarde la promesse que vous avez vous ici. Angalia malako ile mukuna ayo mwei hapa. Lisons d'abord Isaïe 54. Tusome kwanza Isaïe 54. Pour voir quelle est la promesse que vous avez. Jua kuona ni malako kani ile mukuna ayo. Lorsque le mal vient. Wakati mubaya bunafika. Lorsqu'on fait un complot contre vous. Wakati banakutungia mapu ya mbaya. Fortifiez-vous avec ça. Ulitie nguvu na hii. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. 54 au verset 15 nous commençons. Isaïe sura 54 mstari 15. Si l'on forme des complots. Kama bana kutungia mapu mbaya. Cela ne viendra pas de moi. Haitatokea kwangu. Amen. Amen. Si vous êtes au travail. Kama uko mukazi. Et que les gens forment des complots contre vous. Na bantu bana kutungia mapu mbaya. Ça ne vient pas de Dieu. Haitoke kwa Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Qui, écoutez, Mufuate. Quiconque se liguera contre toi, yeyote ule atakukombanisha, tombera sous ton pouvoir. Atanguka chini ya utawalo yako. Vous savez, munajua, il faut tenir Dieu au mot. Inapashi kumushika Mungu kumisemo yake. Même quand vous priez, hata wakati unaomba, répétez ce qu'il a dit. Useme ile Mungu alisema. Dites-lui. Umwambie yo. N'est-ce pas toi qui as dit ça, ça et ça? Shiwe Mungu njoo alisema hivi na bile. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Dieu, Mungu, avec sa parole, na neno lake, c'est comme une corde qui est liée à la jambe. Iku sawa kamba wanafunga kumukulu. Qui relie le ciel et la terre. Bingu na dunia. Quand vous tirez seulement Dieu sur sa parole, wakati unamukokota Mungu kumisemo yake, si vous le réveillez par une corde, inakuwa sawa unamulamusha kupitia kamba. Dieu lui, Mungu yeye, avec quelque chose qui est sorti de sa bouche, na kitu kile kilitoka mukinywa yake, il est prêt, eko tayari. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Avance. Tusonge mbele. Voici. Tazama, j'ai créé l'ouvrier nari umba mutendakazi qui souffle le charbon au feu ule kona pepula makala kumoto et qui fabrique une arme par son travail na ule anatunga silaha kupitia kazi yake. Mais alakini, j'ai créé aussi le destructeur pour les briser alakini militarisha tena mwaribifu jua kumponda. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Sila yote ile batakutungia haitakuwa na uwezo. Tout arme. Sila yote. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Il faut suivre les mots de Dieu. Inapashi kufuata misemo ya Mungu. Quand Dieu a dit à Moïse. Wakati Mungu alimwambia Musa. Va leur dire je suis ma voix. Wende ubambia sema ule niko ananituma. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Il est arrivé. Arifika. Il leur a dit. Aribambia. Son nom s'appelle Jésus. Jina lake ni Niko. Après demain. Kisha kesho. Il est Jésus. Eko tena paka Niko. Après une année. Kisha mwaka mzima. Il est Jésus. Eko paka Niko. C'est ce que Dieu lui-même avait prononcé. Jo kile Mungu ye mwenye alisema. Si vous voulez faire des calculs avec ça. Ukipima kufanya mahesabu na hiyo. Ça ne sera pas ce qu'il a dit. Aita kwa ile Mungu alisema. Si il a dit Jésus. Kama alisema Niko. Même après 14 jours. Ata kisha masiku 14. Dites je suis mon. Useme Niko. Vous-même qui connaissez les choses. Je pense que je suis, c'est le verbe être au temps présent. Nawazia niko ni tamuko ya hapa ni hapa sasa. Mungu amibariki. Je suis toujours présent. Niko paka hapa sasa tu. Chaque jour. Kila siku. Nous arrivons demain. Tunafika kesho. Je suis. Niko tu. Toujours présent. Paka leo tu. Le lendemain, kesho yake, je suis. Eko paka niko. Dieu a des mots. Mungu eko na misemo. Quand Dieu vous dit quelque chose, wakati Mungu anamiambia kitu, ne raisonnez pas cela. Mwenye mushifikili. Si Dieu vous dit, ile anamiambia, vous êtes guéri. Unatunzwa. Même si les douleurs sont là, ataka mama umifu ingariki, vous êtes guéri. Uyua sema unesha utunzwa. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Si Dieu vous dit, kama Mungu anakuambia, je vous pardonne. Na kusamehe. Il vous a pardonné. C'est comme ça qu'il est. Dieu file Mungu eko. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Toute arme qui sera forgée contre toi sera sans effet. Si la yote ile watakutungia haitakuwa na uwezo. Si vous avez encore peur des sorciers, c'est votre problème. Kama ungariki naogopa balozi ile inakuangalia wewe mwenyewe. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Toute arme. Si la yote. Tout se conféra. Ile yote watafanya. Qu'il vienne avec une arme fabriquée. Bakwata na sila ile walitunga. Si c'est forgé à cause de toi. Kama walitunga juu yako. Saisissez cette écriture. Ushike yandiko. Et tournez le dos. Na utupie kwa mkongo. Dieu fera accomplir sa parole. Mungu atatimiza neno lake. Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Na ulimi yote talamuka juu ya kuhukumu wewe. Mtu anaenda kukupeleka kubisambo. Quelqu'un qui t'amène en justice. Je vais t'accuser. Takustaki. Bon, certaines personnes parce qu'ils sont orgueilleux. Watu wengine juu ni bakiburi. Ils ont beaucoup d'argent. Tu veux na feza mingi. Dis attendez. Chunga mutaona. Je vais les faire souffrir. Tamuteseshwa. Il va au tribunal. Anaenda ku. Il dit des mensonges. Anakulandia bongo. Il itaki. Anakustaki. Quand vous y allez. Wakati unafika ako. Dites seulement ce qui est la vérité. Wewe useme paka ya kweli na usimamie pale. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Le reste. Ile inabakia. Dieu s'occupera du reste. Mungu yeye mwenyewe atayangaikia. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Tu la condamnera utamukumu. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Injo iriti ya watumishi wa milele. Tel est le salut qui leur viendra de moi. Injo kovu ile batapokea toka kwangu hivyo amilele anasema. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Voilà là où nous vont fixer les regards. Moneni kule tunapashi kutupa macho yetu. Détournons les regards. Tutoshe macho yetu yote. Des grands. Kubitu bikubwa. Des grands. Ah, kubantu bakubwa. Bon, j'ai un grand frère qui est aussi avocat à la cour d'appel. Ni kuna mkubwa wangu yenye kwa avocat cour d'appel. Et c'est mal la vérité point être. Wewe ukwetu paka na ukweli kunaisha. Mungu amibariki. Alors, basi, regardez maintenant. Tazameni sasa. Allons dans Juge au chapitre 16. Twende Waamuzi sura 16. Juge 16. Waamuzi sura 16. Nous allons commencer au verset 16. Tutaanzia pa msara 16. Nous lisons. Tukuna soma. Comme elle était chaque jour à les tourmenter et à les importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Sawa vile kila siku alikuwa anamhangaisha na kumuji. Kupitia kumusi nafsi yake nikakosa mvumilia hadi kufa. Il lui ouvrit tout son cœur. Asa kamufungula moyo wake wote. Et lui dit. Na kumwambia. Le rasoir n'a point passé sur ma tête. Bwembe abu ya pitaka ukichwa yangu. Parce que je suis consacré à Dieu. Kwani minesha utolewa kwa Mungu. Dès le ventre de ma mère. Tangia tumbo ya mama yangu. Si j'étais rasé. Kama waki nikata nywele. Ma force m'abandonnerait. Na nguvu yangu itanitoka. Je deviendrai faible. Takwa muzaifu. Je serai comme tout autre. Mitakwa sa muntu ote ote. Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Delila voyant qui lui a ouvert tout son cœur. Delila vile aliona sema anamfunguria roho yake yote. Envoya appeler les princes des Philistins. Aka tuma baite bafalme ba Philistia. Et leur dit, nakubambia, montez, mupande sasa. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Montez, mupande. Car cette fois-ci, kwani hapa sasa, il m'a ouvert tout son cœur. Ananifunguria roho yake yote. C'est un triste tableau. Hii ni mambo ya uzuni. Cet homme de Dieu. Huyu mtu wa Mungu. Israël avait souffert. Israël aliteseka. Entre les mains des Philistins. Mumbikono ya wa Filistia. Israël avait beaucoup souffert. Israël aliteseka sana. Et Dieu. Na Mungu. a dit non. Alisema pana. Israël ne peut pas souffrir comme Israël ça. Israël a wezi kuteseka mwina muna. Je vais susciter quelqu'un. Nitalamusha mtu moya. Qui pourra défendre Israël. Ule atakombania Israël. Et détruire ses adversaires. Na kuharibu baadui yake. Alors. Bas. Il est allé voir une femme stérile. Arenda kuona mwanamke mwatasa. Il a parlé avec elle. Ariongea naye. Cette femme est allée dire à son mari. Na ule mwanamke alienda mwambia bwana yake. Un autre jour. Siku ingine. Cette femme a dit. Ule mwanamke alisema. L'homme là qui était avec moi est encore arrivé. Ule mtu alinionekaniaga yeye uitena anakuja. Emmanuel a couru. Na Manoa naye alikimbia mbio. Elle a trouvé. Alimkuta. Quand je lisais cette histoire. Wakati nalikuwa nasoma hii hadithi. Dieu aime les hommes. Mungu anapendaka batu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je aime les hommes. Mungu anapendaka batu. Manoa est arrivé. Manoa alifika. Il a parlé avec lui. Ariongea naye. Et lui a dit. Na alimwambia. Reste ici. Ubaki hapa. Je vais retourner. Nitarudia. Pour chercher un chevreau. Nikutafute katoto ya mbuzi. Et je vais revenir. Na nitarudia tena kukupatia. Et le Dieu du ciel. Na Mungu wa kumbingu. A dit allez. Alisema mzuri wendi. Il est resté là-bas. Nitawakia nikuchunge. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Il l'a attendu. Alimchunga. Manoa est parti. Manoa alienda. Il est revenu. Anarudia. Il a fait ce travail. Anafanya ile kazi. Et puis quand ils ont allumé le feu. Wakati bari washa moto. Il a pénétré dans la flamme. Akaingia munguzo ya moto. Et il est parti. Na kwenda. Manoa a dit. Manoa alisema. Nous allons mourir. Oh, tutakufa sasa. Nous allons mourir. Tutakufa. Nous avons vu Dieu. Juu tunamuona Mungu. Et ça sera sa part. Na bibi yake sasa. Il lui a dit. Anamwambia. Sois tranquille. Utulishane. S'il voulait nous faire mourir. Kama alipenda kutuua. Il n'accepterait pas quelque chose de nommé. Asinge tikia bitu ya kutoka kumikono yetu. Sois selmaka. Wewe utulizane tu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et puis est né Samson. Na kisha Samson akazaliwa. Je leur ai dit. Mungu alibambiaka. Cet enfant ici. Huyu mtoto huyu. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Bwembe abutapitaka kamwe pa kichwa yake. Cet enfant est consacré. Huyu mtoto ni mwenye kutolewa. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Il va faire le travail. Atafanya kazi. Quand Samson a grandi. Wakati Samson alikomala. Les Philistins ont compris. Mafilistia barielewa. Quand Israël. Ya kwamba muisraeli. Ya eno. Akika muku muntu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Un jour. Siku moya. Alors qu'ils sont allés les surprendre. Wakati le warendo mushitusha. Dans une caverne. Mushimo. Et quand il est sorti. Na wakati alitoka. Il n'avait pas d'armes. Asikuwa na silaha. Et l'armée des Philistins venait. Il s'est simplement avancé. Il a tourné les regards. Il a vu un chameau qui était mort là-bas. Il a ramassé la mâchoire. Et a couru à toute vitesse. A pénétré au milieu. Des milliers et des milliers de Philistins. Qui avaient des casques. Pour cacher leur tête, les casques de presque 2 cm et demi. Ma kofia ma centimètre mbili na kipande. Il s'approcha avec une mâchoire. Yari karibia tu na mbanga ya. Et il le tapait. Na alikuwa na pika yo. Il mourait. Na walikuwa na kufa. Lui était là. Yari kwa pale. Ne voulait même pas tourner. Asikupenda ta kugeuka. Pour voir on viendra me pengler à une lance ici. Ya kuangaria sabatani tonga mkuki mkukamba. Fortement. Arriva pika kabisa. 1000 personnes étaient allées là-bas. Watu elfu walikufa pale. Aucune dent ne s'est détachée de la mâchoire. Hakuna ta dino moya ilitoka kuile mbanga. C'était l'arme que Dieu avait mis dans sa main. Josila ile Mungu aliweka mikono yake. Samson connaissait. Samson alijua. Que tant que j'ai la chevelure. Wakati yote ile niko na nywele. Les Philistins ne feront pas de problème. Wa Filistea watafanya kitu. Un autre jour. Siku ingine. Il est entré. Aliingia. Chez eux. Kwabo. Et ils se sont alertés. Il est arrivé. Bakalamushana. Il est arrivé. Anafika, anafika. Il est au milieu de nous. Yeko katikati yetu. Ils lui ont tendu des pieds. Au milieu de la nuit. Katikati ya usiku. Tant qu'il avait la chevelure. Wakati yote ile alikuwa na nywele. Il s'est réveillé. Arilamuka. Il s'est avancé. Arikaribia. Il a trouvé la porte d'airain. Akuta mulango ya shaba ya chuma. a saisi, akachugwele mulango, la déterrer, akaitukunya, a plié cela, akaikunja, a mis cela sur son épaule, akaiweka palibeka yake, et s'est mis à gravir la montagne, akapanda nayo mulima. Il est arrivé au sommet de la montagne, akafika kumchongo ya mulima, il a jeté cela, na akatupa ile mulango ya chuma. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Lorsqu'ils sont venus le matin, asubuhi, ils ont observé. Ça c'est quel genre de personne? Ils avaient peur. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Samson représente l'église. Nikionesho ya kanisa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et Delilah. Na Delilah représente les choses du monde. Ni mfano ya vitu ya dunia. Quand Samson s'est approché des choses du monde. Wakati Samson ya karibia vitu ya dunia. Petit à petit. Pole pole. Petit à petit. Pole pole. Montre-moi. Unioneshe. Samson résistait. Samson alikuwa na kangana. La force était toujours avec. Nguvu ilikuwa paka ndani yake. Demain il dit. Kesho yake tena anakuja. Chéri. Mpendwa. D'où te vient cette grande puissance? Nguvu yako uwezo yako inatokea wapi? Liez-moi. Munifunge kamba. Elle essayait de le faire. Wakapima kumfunga. La force était toujours là. Nguvu ilikuwa paka. Parce qu'elle gardait les secrets de Dieu Wani dans son cœur. Alichunga siri ya Mungu. Quel était le secret de Dieu? Siri kwa nini? Le rasoir ne passera jamais sur ta tête. Bwembe abutapitaka kama mkichwa. Yeye na Jireya. Huku mnazireya. Voyez. Unaona? Gardez la parole du Seigneur. Uchunge neno la Bwana. C'est cela le secret qui nous protège. Ile ndio siri inatuchunga. L'église de Dieu vivant. Kanisa ya Mungu aliye hai. Quand il connaît que Dieu a dit ceci. Wakati unayasa Mungu alisema hivi. Prenez soin de cela. Wangaikie ile Mungu alisema. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et alors? Bas. Les choses du monde se sont approchées de cet homme puissant. On les craignait. Que Dieu vous bénisse. Quand il a transporté seulement la chose là-bas, les matins ils ont dit, jamais. Nous n'avons jamais vu une personne comme celui-ci. Oui. Il y a eu aussi une autre personne qui était plus que celui-là. C'était notre Seigneur Jésus-Christ. Qui lui aussi a pris les péchés du monde entier. Il s'est chargé de cela et il a gravi le calvaire jusqu'au sommet. Que Dieu vous bénisse. Alors, basi, les choses du monde bitu ya dunia ont commencé bilianza à jouer autour de l'homme de Dieu. Uzunguka mutu wa Mungu, d'un homme qui avait la puissance. Mutu la alikuwa na uwezo, jusqu'à ce que kufika na pale, il a dévoilé le secret. Alitobola siri yake. Quand vous lisez la Bible, mukisoma Biblia, cette femme, huyu mwanamke, les femmes ndumba ont une grande puissance. Banamuke bakaba beko na uwezo ya ajabu mno. Oui. Ndio. Et la prêcherie akamchugua mpendwa la endormi sur ses genoux. Akamularika pa mikulu yake. Les genoux d'une femme magoti ya mwanamuke sont plus qu'une arme. Inashindia ta sila. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Il s'est mis à lui poser des questions. Akaanza kumuuliza maulizo. Dis-moi chérie. Uniambie mpendwa. Uniambie tu mpendwa. Comme il était chaque jour à les tourmenter. Sa vie kila siku alikuwa na muji. Son âme nafsi yake s'impatienta ikashinda kuvumilia hadi kufa. Et il dévoila le secret. Na kisha katobola siri yake. Quand il a dévoilé le secret, wakati alitobola siri, Delilah a compris. Delilah rielewa que véritablement c'est ça le secret. Hakika hii ndio siri ya kweli. Voyez, munaona Comme elle voulait tuer Samson. Ça veut dire peine d'amour Samson. Que Dieu vous bénisse. Bariki. C'est la chose que Samson ne connaissait pas. Samson, Samson regardait la boue. Samson a rien à tout pas. C'est la même chose nous avons dit. N'aimons pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Tu chipende dunia na bitu vinapatikana. Hier nous avons dit. Jana tulisema. Nous avons dit ceci. Tulisema hivi. Lorsqu'un serpent est là, wakati nyoka yako pale, et que les oiseaux arrivent, na bandeke banamkaribia, la seule manière pour les oiseaux d'échapper, namna moya tu ya bandeke kuepuka, c'est d'enlever leurs yeux, ni kutosha macho dans yabo, les yeux du serpent, ni tosha mu macho ya nyoka, et faire un effort pour voler, afanye nguvu pate kuruga bende, vous voyez, unaona. Samson, Samsoni a plongé ses regards. Alitumbukiza macho yake. C'est cette belle femme. Yule yule mwanamke mrembo. S'est mis à la regarder. Akaanza kumwangalia. Vous voyez. Munaona cette femme. Huyu mwanamke a renversé un homme. Aliangusha mwanaume. Très puissant. Mwanaume wa uwezo sana. C'est comme cela que l'église de Dieu vivant. Ndio mwile namuna kanisa Mungu aliye. Était à la Pentecôte. Ilikuwaka kule ku Pentecôte. C'était une église très très puissante. Ilikuwa kanisa ya uwezo sana. Au fur et à mesure que les années avancé, mwenda miaka, arrivé dans les temps de ténèbres, l'église a été affaiblie par les choses du monde. Kanisa ilikeshwa na vitu ya dunia. Maintenant, pendant que je vous parle, wakati ni unaniambia sasa, le message que nous avons, ujumbe wetu kunayo, c'est Samson dont les cheveux, ni Samson ule nywele yake, ou encore Christ sur sa tête. Inaanza tena kukomea kwa kichwa yake. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Vous l'église. Mwenye kanisa. Vous êtes Samson. Muko Samsoni. Dont la chevelure a monté encore. Nywele yake naota tena. Paul a mis en prison. Wakati barumweka mkifungo. Ils ont été distraits. Barilengama. Ils ne connaissaient pas. Abakujua ya kwamba. Que sa puissance était dans la ya chevelure. Uwezo yake ilikuwa mnywele. Et quand la chevelure se mettait à pousser. Wakati nywele ilianza kuchipuka. Malgré qu'on l'avait crevé. Macho. Mais la force revenait encore. Oh, tena. Mes bien-aimés. Oh, bapendwa. Cette église, kanisa, c'est une église qui a des promesses. Ni kanisa enye kwa na malako. Dans ce temps de la fin, wakati ya mwisho, nous devons retourner à cette ancienne église. Tunapashikurudia kuile kanisa kumwanjo. Là où mule. Les hypocrites qui voulaient venir se cacher parmi les croyants. Banafiki walipenda kufuchama katikati ya baminifu. Ananias et Safira. Ananias na Safira. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Sont tombés. Barianguka, et ils ont été enterrés. Na bali bazika. Celui-ci ici. Uyu apa. L'autre là-bas. Uyu na epale. Les choses du monde. Bitu ya dunia. Détournez vos regards. Mutoshe ko macho. Aux choses du monde. Bitu ya dunia. Regardez si l'invisible. Wangalie ku bitu yasipoonekana. Ah, c'est lui. Wa ule. Qui vous a sauvé. Ulalimiokoa. Il est réel. Eko wa kweli. Il est là. Eko ako. Notre Seigneur Jésus. Bwana wetu Yesu Kristo. Et il plonge ses regards. Na ye macho yake anaangalia. Il voit chaque personne ici. Eko naona kila mmoja wetu hapa. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Quelle est notre vie? Maisha yetu kuje. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Sommes-nous comme Daniel? Eti, tuko sawa Danieli? Daniel, c'était un homme qui avait un bon témoignage. Ni mtu alikuwa na ushuhuda mzuri. Quand vous voyez Shadrach, Meshach et Abednego, ukiangalia Shadrach, Meshach na Abednego, aller sortir du feu, mkutoka kwabo mumoto, on a loué le Dieu de Daniel, barisifu Mungu wa Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego. Quand Daniel est sorti de la fosse au lion, wakati Daniel alitoka mshimo wa simba, on a loué le Dieu de Daniel, barisifu Mungu wa Danieli. Les gens peuvent-ils louer notre Dieu à cause de vous? Eti, batu banawezi kumsifu Mungu wetu kwa ajili yako. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Au quartier. Oh, mon quartier. Dans les foyers où vous vivez. Mule mu jama munekala. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Le Dieu du ciel. Mungu wa kumbingu. Comme nous fixons nos regards à lui. Vile macho yetu kunamwangalia. Lui aussi nous regarde. Naye anatuangalia. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Il voit la conduite de chacun d'entre nous. Eko naona kujongoza kwa kila mmoja wetu. Mais la venue du Seigneur est proche. Alakini kuja kwa Bwana wetu ni karibu. Nous sommes à la fin. Tushafika mwisho. Si vous pensez qu'il y a encore du temps. Kama unawazia sasa kungaliki wakati. Je vous conseillerai. Mimi nakushauri. De savoir. Ujue ya kwamba. Que le temps est arrivé à la fin. Wakati ishafika mwisho. Et il y a beaucoup de choses. Kuko vitu mingi. Que Frère Branham a parlé pour ce temps-ci. Concernant le retour du Seigneur. C'est accompli. Oh, si vous croyez qu'il était prophète. Nabi, croyez que ce qu'il vous a dit. Venait de Dieu. Kwa Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki.